Saint-Joseph. Ok. Sur une prod à Didi Jengis. Wesh Kader, bien ou quoi ma gueule? Wesh Keta. On va leur faire ça encore ou quoi? Bien, t'inquiète. Street Tape, c'est pas mon album, 3. Prends ça dans ta mère. Yep, yep, yep. Je roule un bédo blindé de Bouddha, whisky peint le bidon. Je suis high comme un motherfuck, le manque de sommeil est dans. Mais dedans, c'est ce que la petite hier me disait. Mais maintenant j'aimerais bien qu'elle et moi on soit étrangers. Je donne ça partout, mola, je suis pas chiche avec, ni pute ou porno star, ma bitch serait pas riche avec. Et y'a la guerre dans le monde, bientôt on pète avec nos bonbons, on se pète à coups de fusée à pompe. Donc fuck chaque seconde, j'ai rien contre, mais je porte une capote, je suis pas con. Enfoiré, tu peux me dire ce que tu veux, moi je me gâte et je gâte les chattes dehors. Fuck nigga, j'gâte les chats ta mort. D'où que tu sois et où que ce soit, chérie, si t'es majeure et bonne, moi j'te fuck ce soir. Mamie t'es là, donc j'emballe ça. Puis on pack tant que ma beat, mes guns et ma thune sont là. Yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Check, tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, photo. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'tiens le terrain, yep. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Et yo, c'est un pour la basse, deux pour le style. Même quand j'kick ça fond, les MC sont pas tranquilles. Papi, papi reste cool dans la belly belly dance. J'veux être un jeune dans Forbes, donc fuck les sens. De la street, donc j'baisse pas mon ben. J'aime pas les problèmes, mais si t'amènes ma main, demain tu voudras que Dieu te pardonne. Pour plus qu'Ali te cartonne. Je sais c'est dur, mais prends-le comme un bonhomme. Laisse tomber le clash, c'est pas la peine. Quand je m'énerve, je bégaye, alors pour rapper, imagine. Non, j'ai un autre style de freestyle et ça se kick sans mic. Fuck bra, et tu perds ta bite. Fuck, moi je suis sur le fil de la lame. Tout le film de ma life, c'est les barreaux du système. Et un homme qui cherche la lime, pète un plomb et allume, sourit en se disant. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, photo. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'tiens le terrain, mec. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Et y'a la laque sur les plaques, le son de Cobra opaque. Le blunt plein de beuh et de hi. On est prêt à pape dans l'anus de la bac. On leur colle leur matraque, on les choque, ils nous traquent. Dehors, c'est le massacre. Vas-y, baise-les. Éduque-toi, il faut les plier. On est les soldats de notre camp, ça faut pas l'oublier. On les élimine sans trier. Les ennemis t'allument sans te prier. Dégomme les portes tant que tu les entendras crier. Qui baise avec qui, rien à foutre. Baise avec Kali et ton cul va sentir la poudre. C'est clair, quand je kick, c'est la foudre. Je te confirme, je suis trop fort au cas où t'avais des doutes. Yep, poto, check. Street tape, new. Si tu l'as, c'est que t'as du goût. Une fois de plus, le texte est trop court, mais j'irai jusqu'au bout. Tant que la corde ne brise pas le cou. J'ai ma beat, mes guns et ma thune, alors je tiens le coup. Motherfucker, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, photo. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, petit. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'reste en place, partenaire. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. J'occupe le terrain, mec. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Ok. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Yeah. Vas-y, check les. On l'a mis ça encore. Tant que j'ai ma beat, mes guns et ma thune. Motherfucker, yeah. Motherfucker, yeah. 17ème Nord, motherfucker, yeah. 18ème, motherfucker, yeah. 9 de Pont-de-Sèvres, motherfucker, yeah.